it to the wrong. What's wrong with you? La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Cacahuète. La micao, ma micao. La petite Ramel m'est infidèle. Caramel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Caliban. Mamselle son long me traite de con. La micaouette me fait la tête. Comment? Alors, quoi, c'est pas présente? Comment? Allez, Juliana, vas-y. Bonjour, on est bien dans l'émission des ados. On merci Juliana, et eh bien bonjour à tous. Nous espérons que vous allez bien. Et c'est parti pour une heure d'émission avec les jeunes de l'IME de Saint-Amé. Alors aujourd'hui nous avons une personne avec nous, mystérieuse, puisque tous les jeunes sont à elle, mais c'est qui? C'est qui? C'est qui là? C'est vrai que vous ne connaissez pas vraiment cette personne-là, parce que vous ne la voyez pas à l'IME, ni même, je pense, à l'extérieur. Donc, on va laisser la parole à Régine pour qu'elle puisse se présenter. Voilà. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Régine, comme vous le savez. Alors, je viens à l'IME deux jeudis par mois, le soir, quand vous partez. J'anime un groupe de travail et de réflexion avec les éducateurs. Merci Régine. Donc Régine, aujourd'hui, elle est là en tant qu'observatrice. Hein, ça veut dire on va pas lui poser de questions, ni rien du tout. N'importe quoi. Nicolas, s'il te plaît. Donc Régine va vous écouter, va vous observer. Elle voulait découvrir un peu comment c'était une émission de radio. Voilà, on est d'accord? Oui. Attends. Ah, alors Zinedine, tu veux dire quelque chose? Tu parles dans le micro, s'il te plaît. Les gars, des fous. Ah, tu veux poser une question à Régine? Oui. Alors, je vois foot, hein. Avez-vous regardé le foot? Oui. Non, mais je m'y intéresse, mais un petit peu, mais j'aime pas trop regarder. Voilà. Parce que je suis un peu tendue quand c'est un grand match. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour poser des questions à Régine. Ouais, ok. Voilà. Donc, la dernière fois, il y avait une chanson mystère, c'était Rihanna. Et aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui a été choisie par Juliana. Donc, si on pouvait la passer, et on ne dit pas ce que c'est. Merci. Ah oui. Évidemment. C'est un manège, c'est évident. Étourdissant, c'est bouleversant, évidemment. Incandescent, embarrassant pour les amants. Fluorescent, luminescent pour les enfants. Évidemment, nanana, nanana, nanana. C'est évident, tu as le temps. Évidemment que tu veux devenir un grand. T'es fatigant, t'es rentant et très usant. L'adolescent avec la palme du plus chiant. Évidemment, nanana, nanana, nanana. C'est évident. Et captivant. C'est très touchant, un contre-champ évidemment. Un contre-temps c'est déroutant même en dansant. Pour une valse qui ne compte pas de temps. Évidemment. Nanana, nanana, nanana. C'est évident. Sauf en plein vent. De faire planer un cerf-volant évidemment. Rajeunissant, divertissant et très grisant. Ça fait souvent se souvenir nos grands-parents. Évidemment. Nanana. doit tout, c'est évident. Les moments de scène et les psychoses, tous les problèmes, les petites choses. Les hurlements, les coups de gueule, les coups de sang et les linceuls, les phrases répétées au micro et les gimmicks dans le studio. Tous les soutiens sur la tournée, vous êtes parrain de notre CD. Les fatigues d'après-concert et vos débriefs à bras ouverts. Tous vos messages d'avenir et vos visages pleins de sourires, on garde tout, on n'oublie rien, on pense à vous sur nos chemins. On vous amène partout en France et on raconte les grosses ambiances, aux gens qui courent, les guitares, tous les gourmands, tous les fêtards. Les friandises et les bêtises, les moments de crise et puis les pleurs, les larmes qui roulent sur nos joues blêmes, tous les remèdes face aux dilemmes. Les désimpôts d'exaltation, les petits lieux de confession, tous les problèmes aux solutions et les théories des illusions. À l'aube d'un monde qu'on a bâti, à l'ombre d'une plume qu'on a suivi, au long discours qu'on a écrit, au gouffre amer qu'on a enfoui. S'il est un rêve, évidemment, il faut le vivre sans perdre de temps, jour après jour on le construit. Vous êtes le vide qu'on a rempli. Vos passions, explorer tous les horizons, même s'ils sont morts, même s'ils font peur, que l'on vous juge avec le cœur. C'est comme ça que l'on avance, bien vos soupirs, puis vos silences, ne lâchez rien, on compte sur vous. Vivez vos rêves, même les plus fous. Soyez tous fous, soyez tous fous, soyez tous fous. Voilà, c'était la chanson mystère choisie par Juliana. Alors, on va peut-être rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler. Camille, tu te rappelles? Oui ou non? Non. Qui c'est qui se rappelle du numéro? Ah, vas-y, Nicolas. 03. Oui. 23. 29. 29. Oui. 62. 40. 40. Bien, merci, Nicolas. Donc, on peut commencer? Donc? Qu'est-ce qu'on avait dit vendredi? La canicule. Qu'on allait parler de l'actualité. Alors déjà, vous aviez parlé des résultats sportifs. Qui veut parler de son premier résultat sportif? Moi, je n'ai pas le goûté. C'est quoi? Oui, moi. Alors Zinedine, prends le micro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a joué? Les filles, les joueurs. C'est les filles, oui. Oui. Et puis, elles ont joué contre qui? Oui, non, c'est... États-Unis. C'est, oui. Contre la France. États-Unis, France. Oui. Les États-Unis, le score, c'était combien? 2-1. 1-1, 2-2. 2-2, 1-1? Ouais, 1-2. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 1-1. Et en même temps, je vous rappelle, c'est Zinedine qui avait la parole. Donc, quand il y en a un qui parle, on lui laisse sa parole. Ah, t'as gagné. Voilà, donc Zinedine, 2-1. Donc, c'est qui a gagné? Bon, alors, qui c'est qui a perdu? Les États-Unis, oui, c'est ça, Zinedine. Oui, les États-Unis ont gagné. Ouais. Et depuis vendredi, il y a eu un autre match. Oui, vas-y. Angleterre, États-Unis. Oui, alors, qui c'est qui a gagné, Christopher? États-Unis. Combien? 2-1. 2-1. C'est pas toi qui avais dit que ce serait l'Angleterre? Non, c'était l'Angleterre contre les États-Unis. Oui, bah c'est ce qu'il vient de dire. Oui, mais c'était hier en plus. Oui, mais il est en train de raconter, Christopher. C'est pas toi qui avais dit que ce serait l'Angleterre qui gagnerait? J'ai plus que ce que j'avais dit. Ah si, j'avais dit ça. Moi, je peux te le redire. Ah oui, on a déjà fait. Et puis alors, qu'est-ce qui a commencé aussi? Ou qui va commencer? La finale. Ça a commencé? Le rugby? Le tour de France. Ça a pas commencé. Ça commence quand, Marion? Pas samedi? Je crois ce week-end, je crois, oui. Oui. Ils passeront même pas à la Bresse, alors. Ils passent pas à la Bresse. Oh. C'est vrai qu'ils sont déjà passés à la Bresse. Oui, mais ils passent dans les Vosges, quand même. Ben oui. Oh, le pauvre. Vous savez pas? Non, je savais pas. Je croyais qu'ils n'avaient pas passé la Bresse. Il y en a pas parmi vous qui vont voir le Tour de France non, la semaine prochaine? Non, non. Voilà, Juliana. C'est Fanny en plus. Le 11. Alors, Juliana, est-ce que tu sais où vous allez le voir? Non. C'est au Marstein. C'est loin. Bon, c'est si, c'est loin que les parents ils viennent nous rechercher après le soir. Oui, mais parce que le départ des taxis est différé le soir. Hein, parce qu'apparemment, ils passent à 3h moins le quart au Marstein. Donc, le temps que les coureurs soient passés, que tout non, soit... Non, les vélos, pas les coureurs. Que les routes soient ouvertes, bah, il faut un peu de temps pour rentrer. Hein, mais c'est pas si loin que ça non plus. Si. Vous êtes content d'y aller? Ah oui, j'ai jamais vu. Moi, t'as jamais vu le Tour de France? Non. Toi, t'as déjà vu? Oui. Oui, ils étaient passés où quand tu as D'abord, c'est les camions qui passent avec les bonbons. La caravane. Ouais, la caravane. Et après, et à la fin, c'est vélo et après, c'est terminé. Oui. Et alors, tu l'avais vu où? De près de chez moi. À Saint-Nabord, alors? Oui. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont aller le voir? Non. Et ça, c'est nous. Moi. Toi, tu vas pas? C'est nous, toi. C'est pas nul, dit. C'est nul. C'est nul. Nana, ça. Alors, pourquoi les vélos, c'est nul? Ah bah, tu dis quelque chose, il faut expliquer, Zinedine. Pourquoi c'est nul? Oui, les poissons. Il n'aime pas ça, le vélo. Ouais. T'aimes pas le vélo? Non. Parce qu'il faut faire des efforts. Oui, oui, évidemment. Lève la main de devant ta bouche, voilà. Vas-y. Pourtant, t'en as fait il n'y a pas si longtemps, oui. Du vélo. Bah, tu t'avais aimé. Ouais. Mais voir les courses de vélo... Ouais. Non. Ça te plaît pas? Tu préfères les garçons qui courent après un ballon ou les filles? Le ballon, c'est mieux. Oui. Oui, tu préfères le ballon. Oui. C'est ça? Oui ou non? Oui. Oui, voilà, oui. Bon, c'est bon pour les résultats sportifs? Ouais. Bah, si vous avez d'autres infos, dites-le. Non. Si, c'est dimanche, la finale. Ah, il est vrai, la finale de coupe. C'est Dijon, là. Ah bah, bleus, heureusement que Régine est là. Oh, c'est Dijon. Contre Canada, je crois. Dijon? Non. Oui. Non, Lyon contre Canada, je crois. C'est la finale. Bah, pour on l'instant. Sait pas encore, parce bah que... oui. Si, c'est Lyon qui va jouer. Mais il va Canada. Y avoir d'autres matchs, Nicolas. Ah, les États-Unis. Hein. Bah oui, donc c'est là que ça va être déterminant. Les États-Unis en plus. Souvent ceux qui vont gagner, c'est ceux qui iront en finale. Oh oui, de poids. Ils changent en finale, les États-Unis. Alors tiens, on va faire des pronostics. À votre avis, qui va se retrouver en finale? États-Unis. Et toi, tu dis qui? C'est. États-Unis aussi? Oui. Et toi? De parler dans le micro, Camille, on t'entendra pas là, c'était trop loin. Là, je sais pas. Tu sais pas? Et toi, Steven? Les États-Unis aussi. Ouais, et Régine? États-Unis. Norvège. Norvège, toi. Ah oui, parce que là-bas, ils ont gagné contre l'Angleterre. Il y a des films de plus finale. Ils sont éliminés, la Norvège. Mais non, ils ont gagné. Non, Marion a dit qu'ils étaient éliminés. Christopher, on peut s'écouter? Alors, on va aller en technique et on va demander les pronostics. En technique. Alors, Juliana, à ton avis, qui? Qui c'est que tu vois en finale? Bon, pas. Bah, il n'y aura pas de finale. Et si? Et si? C'est ça? Si. Attends, on n'a pas fini. Et Marion, tu penses que... Ouais, je vois bien une finale États-Unis-Pays-Bas et victoire des États-Unis. Ah, donc victoire des États-Unis. Et Christopher? Moi, j'aurais plutôt vu États-Unis-Suède. Ah, si. Et une victoire des États-Unis aussi. Ah oui. Donc, les États-Unis sont majoritaires, là. Oui, alors, Zinedine, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est bien, j'ai des filles. Des bien. Non, oui, les filles. Oui, des filles. Bah, des filles. Des bien. Plein de buts. Ah bah, heureusement qu'elles mettent des buts, hein. Ah. Oui, c'est bien. Elles sont meilleures que les garçons, oh, bah, non? Oui. Ah oui, hein. Oh bah oui, elles sont fortes, les filles. Mais, au coup, deux bien. Oui, tu as l'air admiratif, Zinedine. Hein? Ah, oui. Les filles. Il a peur. Hein? Bon, c'est bon pour le tour oui. De la rubrique sport. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Alors maintenant, on en arrive à la canicule. Oh, c'est fini. Hein. Parce que ça faisait partie aussi. Oui, mais attends, ça va revenir, Christopher. Hein? Oh, bravo. Ce n'est qu'un répit, là. Ça va revenir. Il va faire trop chaud. Oui. On a eu chaud, c'est vrai. Il fait presque 40 degrés, là. Oui. Il y a même des endroits où il y a fait un peu plus. 50. Non, pas 50. Hein, Alors, comment vous avez vécu ? Bien. Bien. C'est pas ce que tu m'as dit. Hein. Si, dit. Comment vous vous sentez quand il fait très chaud ? Parle dans le micro, Juliana. Camille. Fatiguée. Fatiguée. Et Zinedine, tu te sentais comment ? Moi, je bois d'eau, non ? Il boit d'eau. Quand il faisait très chaud. Je bois d'eau, encore moins d'eau. Tu buvais beaucoup d'eau, c'est ça ? Oui. Oui ? Et toi, Steven ? On avait du mal à dormir la nuit. Ben oui, du mal à dormir. Alors, comment tu faisais la nuit quand tu avais du mal à dormir ? Qu'est-ce que tu faisais pour t'aider à t'endormir ? Je regardais un petit dessin animé. Ah bah, la nuit, tu regardais un dessin animé. Ouais. Ah oui. Tu buvais aussi la nuit ? Oui. Oui ? Tu ouvrais les fenêtres, les volets ? C'est sur le toit, il veut pas moi. On va faire d'accueil. Ils veulent pas que tu ouvres le Velux ? Non, parce que sinon, des bêtes qui rentrent. Des bêtes qui rentrent ? Ah. Ah, parce qu'il y a peut-être des arbres au-dessus. Oh, des lapins. Ah non ? Oui, c'est sûr que sous les toits, il doit faire chaud. Hein, des lapins. Et... Donc, petit dessin animé pour Steven. Ouais. Et toi, un Nicolas ? J'ouvre les fenêtres, moi. Toi, tu ouvres les fenêtres la nuit, ouais. Et puis, est-ce que comme Steven, tu regardes un petit dessin animé ? Non ! Non, tu bois ? Oui. Oui ? Un verre. Un verre, bah, même si tu bois plus, c'est pas grave. Hein. Et toi, Juliana ? Il faisait chaud, hein. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait ? Bah, rien, j'ai dormi. Toi, tu dormais, même quand il faisait très chaud ? Non, j'avais des fois, j'enlevais ma couette. Ah bah oui, avec une couette, oui, moi, c'est sûr. Moi, je mettais la couette sur moi. Ah oui ? Oh, on crevait de chaud. Bah, il faut enlever la couette. Moi, il faut la laisser. Moi, c'est bon, oui, moi. Et Régine, qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai ouvert les fenêtres et puis j'ai attendu qu'il fasse frais. Bah, j'ai lu en attendant. Voilà. Mmh. Et toi ? Bah oui, bonne idée. Bah t'es parmi Zinedine, non. Tu bailles encore. Si ? Bah, on dirait pas, hein. Mais, si. Mmh. Moi, je regarde le foot. Tu regardes le foot la nuit, toi ? Ouais. Oh. En replay. Go ! Mais il n'y en a plus de foot, là. En replay, si. Ouais, ma toi, vie. Attends, tu regardes en replay, toi ? Non. Non ? Est-ce que tu regardes des choses en replay ? Non. Des choses que t'as manqué la non. journée ou je sais pas. Non. Non. Toi tu regardes ce qui passe. Voilà, voilà. Voilà. Bon. Et Marion, t'as un remède là quand il fait très chaud la nuit ? À part ouvrir les fenêtres, non. Bah oui, ouais. Une douche froide aussi, c'est bien. Oh ouais. Ça rafraîchit. Hein ? Vous êtes pas c'est ça. Oui. Bon, on va faire une pause, hein ? Oui. Avec la chanson de. Steven, tu te rappelles, c'était qui ? C'est plus. C'était Soprano. Ah, Soprano. Soprano. Clown. Ah. Clown. Clown, voilà. Enfin, merci. Désolé, ce soir, je n'ai pas le sourire, je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge. Pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin, avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait de ronger sa laisse. Mais ce soir la salle est pleine, vous voulez que ça bouge? Donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. seule à porter ce masque. Suis-je seule à faire semblant? Ce costume qu'on enfile tous les jours, dis-moi, est-il fait sur mesure ou nous va-t-il trop grand? Voilà, bon, il y en a quelques-uns qui se sont réveillés, là, avec la chanson de Steven. Hein? Hein, Zinedine? En fait, c'était pour la réveiller. C'était pour les réveiller. Hé, Kiki! Qu'est-ce qu'il y a? Non, alors, Christopher, hors antenne, il a expliqué pourquoi ce matin, il n'était pas très souriant. Alors, tu peux le dire, Christopher, pourquoi? Et toi, on va être compréhensif. Pourquoi? Ben, dis-le. Parce qu'à la rigueur, les auditeurs, ils comprennent pas pourquoi tu fais un... Je m'ai dormi, il faisait trop chaud. Ben voilà. Donc tout s'explique. Oui. Il faisait trop chaud, j'arrivais pas à dormir. Je bougeais de tous les sens en plus. Tous les soirs? Non, je bougeais de tous les sens et mis à gauche à droite. Alors, je vais vous donner un petit truc. Par exemple, quand il fait très chaud, il faut surtout pas dormir sur le dos. Quoi? Ni sur le ventre. Pourquoi? Il faut toujours dormir sur un côté. Ah, pourquoi? Ok. Ben, parce que c'est beaucoup plus ventilé en étant sur un côté qu'en étant... tu vois, le matelas et tout ça, c'est chaud. Ça, donc, ça te chauffe tout le dos ou tout le vent, ça fait que tu dors encore moins bien. Que sur un côté, il y a de l'air. Et j'ai mis derrière. Mon ventilateur bien dans ma figure. Ah, t'as un ventilateur. Ouais, que ça, c'est bien donné. Aussi. Moi, j'ai beau nuit, moi. Petit... Moi, je suis née, mais maman, le fait plus. Alors, écoutez, aujourd'hui, comme vous le savez, hein, c'est la dernière de la saison. Hein, normalement, on reviendra à Radio Gémozo à la rentrée, si tout va bien. Hein. Oui. Ce n'est pas moi qui décide. Hein, on verra les chefs. Avec Monsieur Ballant. Voilà, mais qu'est-ce qu'il avait dit, Monsieur Ballant, quand il est venu? Il espère que ça continuera. Oui, qu'il allait tout faire pour, parce que justement, c'était... Bien. Bien. C'était un bon support pour vous, à l'expression, et même Madame Swartenbrooks. Elle était contente aussi de vous voir à la radio. Mais pareil, c'était positif, mais des fois, voilà. Hein. Et bonjour, quand... Est-ce que vous aimeriez, à la rentrée, retourner à la radio? Oui. Ou est-ce qu'il y en a qui aimeraient arrêter? Non. Oh non. Non, non, non, non, non. Et toi, Steven? De quoi? Retourne à la radio? Oui, ou pas? Ah oui. Et toi, j'adore Juliana, cette radio. Recontinuer. J'adore. Et puis, vous savez, il y en a d'autres à l'IME aussi qui aimeraient bien venir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on pourrait faire pour que de les groupe. Autres... Hein, comment? Faire deux groupes. Faire deux groupes, oui. C'est bien, Christopher. C'est la solution, je crois, pour que d'autres puissent y aller aussi. Ce serait bien, non? Ah oui. Bon. Alors maintenant, on a dit qu'on parlerait de... Des vacances. De vos vacances. Qu'est-ce que vous avez prévu? Non, parce que les vacances à l'IME, c'est quand? C'est quelle date? Le 18. Le 18. Alors... Merci, Juliana. Le 18. Jeudi. C'est un jeudi soir, oui. Donc... Arrête. Zinedine, tu poses ton verre devant toi, merci, voilà. Alors Zinedine, tu vas te redresser, avancer ta chaise, merci. Et tu vas nous raconter pardon, tes projets de vacances. Oh ! Allez. Alors voilà, c'est pour Zinedine. Ça y est, t'as fini alors ? Non ! Ah, alors vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu as des projets ? Qu'est-ce que tu penses faire pendant tes vacances ? Ouais, les filles, regardez la télé. La télé, ah, bah, c'est un bon projet, ça. Télé, kebab. Non, non, non, c'est Zinedine qui parle. Kebab, là ? Le kebab. Alors, surtout les autres, vous dites rien, autrement Zinedine, il va répéter tout ça. Ah, si ? Ah, si, voilà. Restez assis. Restez assis. Ouais. Grâce patinée. Vas-y. Venez marcher. Marcher, ouais. Ça c'est bien. Et t'as dit que t'allais marcher où ? Tu te rappelles déjà plus ce que tu as dit. Ouais. T'as pas dit que t'allais autour du lac ? Oui. Ah bah oui. Heureusement que je note, hein, parce que dis donc. Et puis, t'as dit quoi ? J'ai dit moi. Zinedine habite Gérardmer. Imagine. Donc il y a un beau lac à Gérardmer. Ah oui, c'est gros ça. T'as dit que t'allais jouer au foot ? Ouais. Ouais. Dans l'eau. Et puis sinon. Quoi ? Télé, manger, dormir. Tu as dit ça et tu as dit aussi que. Mon Dieu. Tu sais plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent aider Zinedine sur ce qu'il a dit ? Zinedine, tu laisses le micro, s'il te plaît. Jouer au foot. À ton papa, il a dit. Aider maman, hein, je crois. Aider maman aussi. Aider maman pour les vacances, là. Voilà. À faire la vaisselle, aider. Voilà, ça, c'était un beau projet aussi. Aider maman. Aider. Hein, laver, essuyer la vaisselle. Descendre les poubelles. Ouais, vous y osez. Mais c'est ça, c'est bien, Zinedine. J'étais monné aux quatre depuis mon Dieu. Quatre poubelles. Ouais, encore. Parce qu'à la maison, vous êtes quatre et tu es quand même l'aîné, Zinedine, ouais. Le plus grand. Donc c'est à toi de montrer l'exemple. À tes petits frères et sœurs. À tes frères et sœurs. Et le bazar, il y en a qu'un. Non, pas le bazar, à aider maman. Oui, tu fais. Ah oui, tu n'en as qu'un aussi, tu n'en as qu'un. Oui, mais les autres, ils sont plus petits. Donc, oui. Qu'ils fassent un peu le bazar, comme tu dis. Allez, voilà. Vous le gâteau. Mais toi, tu es l'aîné. Allez, vous le gâteau, moi. Ils volent le gâteau. Ils te volent les gâteaux. Ouais. Ça te fait rire, Juliana. Oui, de péter, il y a pas le gâteau. Petit. Après, on peut les excuser, c'est des petits. Mais toi, montre l'exemple. Oui, ta fille, de façon. C'est tout ce que tu as à dire, Zinedine. Zinedine. Quoi ? Non, oui. Si. Non, si. Alors, ça veut dire quoi ? Non, si. Non, je vais marcher, moi. Hein ? Je vais marcher. Tu vas aller marcher ? Oui, je vais marcher. Mais c'est bien. Moi, déjà, j'ai le pain. Tu vas chercher le pain ? Moi, je change. Ah, alors ça, c'est bien. Moi, je ne savais pas. Non. Mais c'est loin, le pain. Enlève la main de devant. Pas si loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Moi, il y a des deux tours, moi. Deux tours. Nicolas, laisse-le parler. Et maman, elle dit non. Alors, maman, elle te donne l'argent ? Non. Non. Alors, le boulanger, tu ne le payes pas, toi. Si, des sous. Des quoi ? Des sous, on a dit. Des sous ? Des sous ? Non, des sous. Non, sous ? Bah, Zinedine, tu dis que tu vas chercher le pain, mais il faut de l'argent pour aller chercher le pain. C'est pas gratuit. Oui, c'est pas gratuit, c'est payant. Moi, là, je suis cassé, là, je suis gant. Elle est cassée ? Oui, moi. Elle est cassée ? Oui. Cassée la bronzée ? Zinedine, écoute-moi. Bon. Tu vas chercher le pain ou pas ? Le papa, il cherche le pain, moi. Ah, maintenant, c'est papa. Non, c'est moi. J'ai... Bah, c'est toi. C'est toi qui vas chercher le pain ? Non. Livré ? En vélo ? Non, putain. En voiture ? Ouais. Ah, en voiture. Oui. Ah, c'est papa qui va chercher le pain et toi, t'es avec lui en voiture. Moi, il est à deux, moi. Ah, puis alors, toi, tu descends de la voiture et tu vas chercher le pain. Oui. Bah, oui, mais alors, tu payes la boulangère. C'est papa qui descend, le papa. Sur la note ? Sur une note ? Papa descend. Les sous. Ah, c'est papa qui paye ? Non, c'est moi. C'est ton papa qui donne les sous pour aller chercher le pain. C'est papa. Ou tu vas sur une note. C'est papa. Oui, alors papa, il te donne les sous? Non, il n'est pas. Oh là là. Papa, il vient avec toi alors chercher le pain. Oui, daddy. Oui, et lui, il paye. Ouais. Oui, daddy. Il prend la baguette. Ouais. Allez, toi, tu prends le pain et papa, il paye. Non, je crois qu'on a encore pas. Si? Ah si. Enfin. Mais moi du cœur. Bah alors ce serait bien toi de faire autrement. C'est que papa il t'attende devant la boulangerie et que ce soit toi qui as cherché le pain. Bonjour madame. Moi je voudrais une baguette ou un pain. Oui, non, oui, et que tu payes. Non, non, oui, oui, et après au revoir madame, merci. Si, non, oui, non, pas quoi, non. Non, non, non, oui, non. Ah Régine, ce serait bien. Bien sûr. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux demander à ton papa, quand tu retourneras à la boulangerie, que ce soit toi qui ailles chercher le pain? Comme Christopher, il a été chercher le journal. Mais non, mais non, chez moi, d'accord. Quoi non? Bah si, non, chez moi. Moi, j'ai acheté deux oiseaux, mais le papa, on est oui, oui, on a compris que tu allais avec papa, Zinedine. Oui, des gâteaux de deux oiseaux, moi. Et des pains. Oui, et du pain, des gâteaux, du pain. Mais c'est papa qui a payé. C'est moi. C'est moi la cantine de chien. Et ça. Enlève la main de ta bouche. Et deux saisons, ça. 2 euros la baguette. Ouais. Bon, écoute, je redemanderai à tes parents, hein, parce que. Là, on fait une boucle, là, hein. On tourne. À moi, voilà. À côté. Alors, on va donner la parole à Christopher. Camille, tu prends le micro devant toi, parce qu'après, ce sera tout. Voilà. Alors, Christopher, que vas-tu faire pendant tes vacances? Courir. Courir, hein, ça, c'est bien. Courir. Aider ma mère. Aider ta mère. Aider la poubelle. Ouais, c'est toi qui portes les poubelles aussi? Oui. Ouais. Et puis Et de faire le ménage, faire l'aspirateur. Christopher est un modèle. Hein. Écoutez tout ce qu'il dit là. Pour tout ce qu'il fait pour aider sa maman. C'est bien comme il fait. Aider à ranger le linge aussi. Oui. On joue aux cartes avec ma maman. On donne la tenue avec ma maman. On donne un film avec ma maman. Après, manger avec et discuter avec. Et après dormir. Voilà. Alors, toi, t'avais dit, oui, que tu partais pas, que tu allais courir. La télé, la DS, le canapé, manger. Et regarder la 17. J'écoute ça. Ouais, musique, ah, oui. C'est de la musique, à la 17. Ouais. Oui. Non, oui, le matin, il met de la musique. Matin. Oui, j'écoute le matin, la 17. Ah ouais. Alors, est-ce que pendant les vacances... Tu regardes la télé plus tard que quand tu viens à l'école. Plus tard? Plus tard. Ouais. Oui. Et le matin, donc... Musique. Tu restes au lit le matin? Ou tu te lèves pareil? Parfois. Parfois? Ou soit j'entends la télé dans le lit. Ah oui, t'as la télé dans ta chambre. Ouais, oui. Ça, c'est pas bien. Ouais. Ah non, une télé dans une chambre. Moi, j'en ai pas, Corinne. Bah oui, bah c'est bien. Moi j'étais dans ma chambre, ma mère, c'est la télé de sa chambre. Il y a des télés partout là. Moi aussi j'en ai dans ma chambre. Moi j'ai 2 dollars. 2 dollars? Oui. Bon, alors ça c'est ton programme ouais. Pour 6 semaines de vacances. Ouais. Que va de qui? Et est-ce que. Zinedine, plutôt comme il faut. Est-ce que tu vas chercher le pain maintenant que tu as franchi le pas, que tu as été acheter le journal tout seul avec Benoît. Est-ce que comment ça avec Benoît? Mais il était avec Benoît. Ah, il était avec Benoît. Je croyais que tu étais allé tout seul. Non, il était avec Benoît. Ah oui, bon, c'est pas tout seul alors. Hein. Benoît, il disait qu'il voulait venir. J'ai dit oui. Bah oui, mais il aurait fallu que tu ailles tout seul. C'est moi, c'est payé moi. C'est moi, j'ai payé. Oui, mais tu étais quand même avec quelqu'un. Et il me l'a pas dit. Il m'a pas dit qu'on. Alors, est-ce que pendant les vacances, tu pourrais tenter d'aller acheter le pain oui. Pour maman tout seul? Oui, je vais déjà tout seul chercher parfois des trucs. Des gâteaux, tout ça. Tu vas tout seul? Oui, à la boulangerie, chercher des petits gâteaux. Non, pourquoi l'autre jour, t'avais bloqué là, la boulangerie, t'as pas voulu y aller? Avec Albin, j'étais tout seul, moi. C'est bien, Steven. Attends, on parlera tout à l'heure. Mais... Bah pourquoi là t'avais pas voulu y aller tout seul? On passe. Parce que tu connais pas la boulangère peut-être. Tu connaissais pas la boulangère? C'est pas à cause de ça. Ah bah je sais pas, moi j'essaye de comprendre. On passe. On passe alors si tu veux pas le dire. C'est pas grave hein. Passe à Camille. Steven. Raconte-nous. Avec Alban, le lundi, j'étais au parc. Alors, est-ce que c'est toi qui es allé tout seul? Oui. T'es rentrée, bonjour madame. Oui, et j'ai dit bonjour messieurs dames. Ils disent... Oui, t'as demandé ton pain. Oui. Et après? J'ai dit au revoir. T'as pas payé? Ah si, il m'a dit, j'ai donné des sous. Et dit au revoir messieurs dames. Hier soir, j'ai re-été au pain. La dame, elle m'a fait... J'ai demandé 2 tordus, s'il vous plaît. Et la dame, elle a dit, donne l'argent. Alors, je donne l'argent. Et après, elle se chauffe à l'autre cliente, comme ça, j'en dis au revoir. Qu'est-ce que tu dis, là? Elle se chauffe à l'autre cliente sans dire au revoir. Elle se sauve à l'autre cliente sans te dire au revoir. Elle t'a pas dit au revoir? Non. Mais toi, tu lui as dit? Oui. Bon. Elle regarde méchamment. Oh, t'as pas regardé méchamment. Non, elle était pressée, peut-être parce qu'il y avait du monde. Quand je suis arrivée, il n'y avait personne avec moi. Oui, mais après, il y avait du monde derrière toi. Avec une personne. Ah. Bon, bah, écoute, le principal, voilà, tu y allais tout seul. Mmh. Alors, tes projets de vacances, Steven? Qu'est-ce que tu vas faire? On m'a stressé, Franca. Ah, voilà. Donc, tu es inscrit pour aller au Franca. Ouais. Vous savez ce que c'est? C'est un projet, là. C'est un organisme, les Franca. Ouais. Et qui organise des... Pour dormir. Voilà, des petits séjours de vacances. Hein? Et là, tu vas déjà. Tu fais des chantiers avec les Franca. Oui. Là, on a fait... Vous vous rappelez ce qu'on a fait à l'IME avec les Franca? Oui. Avec Stop Motion. Ouais, oui, ça vous rappelez. Donc, Steven, tu es inscrit pour aller au Franca. Ouais. Pendant les vacances. Oui. Alors, est-ce que tu as envie d'y aller? Bon, oui, on m'a déjà inscrit. Oui, mais toi? Oui, j'ai envie d'y aller. T'as envie d'y aller toutes les vacances? Ou un petit peu? Oui. Oui? Oui. Et donc, tu dors là-bas? Oui. Et donc, quel pas, Steven? C'est bien, ça, hein, de partir. C'est moi qui ai demandé. Oui, non, mais je trouve ça bien. Vraiment, je suis fière de toi, Steven. Oui. Hein? On avance. Alors, tu sauras quand si tu pars vraiment au Franca? Parce que là, tu es inscrit, mais... Tu sais pas? Ah. Tu nous diras. Tu nous diras quand tu sauras. Les Franca ont dit cet été. Oui, pendant les vacances, mais de toute façon, tu le sauras avant de partir. Ouais. Hein? Donc, tu pourras nous le dire. Oui. Et plus c'est avec les murs qu'on va redormir. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Ils ont installé les tentes. Dans la tente, en plus? Non, ils ont installé les crues pour manger. Oui, mais vous dormez dans des tentes? Je sais pas. Bon, en même temps, c'est bien, hein, c'est l'aventure, dans ça. La forêt. Hein? Oui. Dans la forêt? On a fait la construction. Ben c'est bien, au moins tu vas voir le fruit de ton travail en exercice. Ouais. Hein? Avec d'autres jeunes de ton âge, moi je trouve ça bien. Oui. Très bien, Steven. Parce que la dernière fois, là, quand on avait parlé vendredi dernier, ben, tu m'avais dit que tu restais chez Nounou. Mais là, il y a du nouveau. Oui. Tu m'avais dit que tu irais dans la piscine. Oui. Tu iras peut-être à la piscine avec les Franca. Hein? Ouais. Hein? C'est pareil. Ouais. Bah, bravo, Steven. Oui. Bravo. Eh bien, on va faire une autre pause avant de passer aux autres, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une bonne playlist, hein, du fait que c'était la dernière avant les vacances. Donc, c'est la chanson de... Camille. Camille. qui, Aya Nakamura? Ah. Voilà, Nakamura. Eh ben, merci. Arrêtez là. Allo, allo, allo, million dollars, bébé, tu veux ça, ça. Bébé, fais du sale. Allo, allo, allo, million dollars, bébé, tu veux ça. J'suis gang, oh, gang, boy, ne joue pas, bang, bang, bang. J'suis gang, oh, gang, boy, ne joue pas, bang, bang, bang. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'sais barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J'sais barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombay, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding-dong. J'suis gang, oh game. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang. J'suis gang, oh game. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, fais du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu veux ça. Bébé, fais du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu veux ça. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Alors, nous étions en train de parler des piqûres d'insectes en des chenilles, dont les chenilles. Oui. Alors, on va demander à Régine et Marion, hein, vous allez en discuter toutes les deux, comme ça on entendra le phénomène chenille. Alors, qui veut commencer? Régine, allez-y. Alors, on les appelle chenilles processionnaires, celles-ci, parce qu'elles se déplacent l'une derrière l'autre, en procession, comme ça. Alors, ce qui est très embêtant, c'est leur... elles envoient, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des petits... Des pics, comme ça, qui vont rentrer dans la peau, et puis qui font des boutons qui peuvent durer plusieurs mois. Et ça fait très, très mal. On peut avoir des maladies avec ça, on peut se sentir mal, il faut faire très attention quand on va en forêt, notamment quand on habite vers Épinal, Chavelot, il y en a, Charmes, il y en a pas trop ici parce qu'elles aiment moins le froid, mais il y en a plus vers la plaine des Vosges parce que il fait très chaud. Et alors avec la canicule, elles sont arrivées. Mais ils en parlent de plus en plus à la radio, hein. Qu'il faut faire attention là où on va. Et Marion, d'ailleurs, ça y est, elle est contaminée. Ah, ça donc, fait un moment, oui. Donc, elle va nous dire un peu comment ça se passe quand on contracte les chenilles. On a des boutons qui apparaissent sur la peau. Donc, c'est vrai qu'on se demande d'où sortent les boutons. On se pose des questions. Et ça démange. Donc ça ressemble pas du tout à des piqûres de moustiques. Non. Non, pas vraiment. C'est des petits points rouges. Et c'est donc la peau, quand elle est exposée, donc il y a des petits points rouges qui apparaissent. Et c'est vrai qu'il faut éviter de se gratter, parce que ça empire. Et donc, du coup, c'est bien d'aller voir le médecin ou d'aller directement à la pharmacie pour qu'elle puisse donner quelque chose, même si c'est vrai qu'en ce moment, les pharmacies de la plaine sont un petit peu dévalisées. Mon frère, il en a des moutons comme ça. Sont un peu dévalisées, parce que tout le monde en a. Hier, je suis allée à la pharmacie. J'étais pas la seule venue pour ça. Ah oui. Donc du coup, c'est vrai que ça démange. Donc et plus on transpire, plus ça va démanger. Ah oui. Donc avec la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est pas forcément bon, évident. Ah oui. Vous avez entendu? Oui. Vous arrivez dans un gros poteau, des grands poteaux. Voilà, c'est des boutons, Zinedine. Tu peux l'amener aux urgences. Bon, aux urgences, je sais pas, comme disait Marion, à la pharmacie ou médecin. Ou tu crames les chenilles. Il y en a qui peuvent terminer aux urgences parce que s'ils avalent les poils ou quoi, ça peut provoquer des difficultés respiratoires et tout. Et si ça va dans les yeux, ça peut faire des conjonctivites. Enfin, c'est vraiment une saloperie, passez-moi le terme. Mais... Donc, du coup, il faudrait qu'il pleuve déjà pour que les poils se retrouvent au sol. Et qui se soit plus volatile comme ça l'est en ce moment, mais malheureusement la météo n'est pas vraiment. Non, ils annoncent pas de pluie plus que ça. A priori, il devrait pleuvoir dimanche, mais c'est pas. Après, il devait pleuvoir aussi les jours derniers, on n'a rien vu. Il devait pleuvoir hier, lundi. Voilà, donc on n'a rien vu. Mais bon, on espère vraiment qu'il va pleuvoir. Et il faut éviter de mettre son linge dehors aussi. Il faut éviter d'ouvrir en grand les fenêtres, ou sinon passer l'aspirateur juste après. Donc c'est vraiment embêtant. Ah oui. Mais bon, c'est bien. Enfin, j'allais dire c'est bien. En ce moment, c'est sur le secteur d'Épinal. Nous, on n'est pas trop touchés par ici. Ouf, heureusement. Moi, c'est la Bresse, moi. Je suis du secteur d'Épinal. Voilà. Donc toi, tu es concernée. Régine, non, dans non. votre coin. Non. Pas trop, non. Pas nous. Non. Pas moi. Non plus, non. Et pas oui, moi. Nous non plus. Non, moi. Non, c'est vrai que sur Remiremont et plus haut, c'est pas du tout concerné. Mais comme il va faire de plus en plus chaud, c'est pas dit que les chenilles vont pas, elles vont pas venir par ici. Voilà. Parce que c'est de plus en plus étendu sur la plaine. Non, moi. Oui, faut. Ah bah, écoute, Zinedine, on fera avec, hein. Hein? Et là, j'espère que vous avez bien écouté ce que Régine et Marion ont dit. Moi, des pires. Ça, vous saurez un peu comment ça se présente. Oui. Ce qu'il faut faire, hein? Oui. Ok? Prenez soin de vous, hein, pendant les vacances, hein? Oui, oui. Moi. Ça va, elles sont pas chez moi, les chenilles. Elles sont pas chez toi, mais comme disait Marion, elles peuvent arriver, hein? Oh! Moi, je les crame, je prends un briquet, je les crame, moi. Toi, tu non, les crames. Il faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Il faut faire appel à des professionnels parce qu'on ne sait pas le faire. Personne ne sait le faire. Tu prends un briquet, tu nous, leur fais on les a fait, c'est nous. C'est là qu'elles vont envoyer les pics et tu vas les avoir sur toi. Les petits poils qu'elles éjectent, c'est quand elles se sentent menacées. Et donc du coup, si tu vas les embêter, elles vont se sentir menacées. Et donc du coup, elles vont effectivement éjecter ces petits poils urticants qui font la misère de nous pauvres Vosgiens. Donc quoi, tu prends un briquet, tu peux pas les cramer. Tu prends un grand bateau, tu leur fais dessus. Elles sont grosses. Non, surtout pas. C'est gros les chenilles là. Oh, non, comme pas... ça, oui, 2-3 cm. Ah oui, quand même. Hein, je pense. Ça termine la doigt. 2-3 cm, disait Régine, c'est ça? Ouais, bah après, je sais pas, sur la photo, on se rend pas bien compte, mais... Montre-nous une photo. Ouais, c'est pas si grand que ça, c'est une chenille normale, quoi. Ouais. Montre-nous la photo. Christopher, on est à la radio, là. Sauf qu'elle voilà, elle jette des poils... On peut pas voir, nous. On peut pas voir, mais si, je leur dis. Mais non, on peut pas, parce que... Il peut pas voir, mais les autres... Christopher, s'il te plaît. On est là. Bon, allez, on poursuit ceux qui ont pas raconté. Alors, qui? Zinedine, c'est fait. Christopher, c'est fait. Steven, c'est fait. Nicolas. Et j'ai aussi. Oui, mais il y a toi, il y a Camille, il y a Julien. Pas en vacances, voilà. Non, alors Nicolas, il a fini. Non. Non, non, non, trop tard. Corinne. Il a fini. Moi. Vas-y, Camille. Tu nous as dit que... Je pars en vacances. Oui, alors toi, tu pars quand? Le 12. Oui. Le 13. Oui, tu pars où? En colo. En colo. Camille, elle part en colo. Pour combien de temps, Camille? Combien de temps tu pars? 2 semaines. 2 semaines. Est-ce que tu sais où tu vas? La mer, la montagne? Tu sais pas? Non. Est-ce que tu es contente de partir? Oui. Tu vas te retrouver avec des ados? Mmh. Ben, c'est bien. C'est bien. Et mais là, on est en vacances 6 semaines. Donc après tes 2 semaines de colo, tu sais ce que tu vas faire? Non, tu sais pas? Tu vas préparer la rentrée, tu vas réviser. Hein, c'est ça? Camille? Ah, tu as dit aussi que en août, tu allais au centre aéré une semaine. C'est ça? Ah oui. Ah oui. Donc, je t'avais oublié. Reste prêt. Alors, est-ce que tu as fini, Camille? Oui. Oui, alors on va laisser la parole à Juliana. Vas-y, Juliana. Moi, je vais chez ma sœur. Oui. C'est prévu, là. Arrêtez! Puis après, je rentre chez moi. Je fais un peu de vélo. Hein. Et Corinne! Et pourquoi tu nous avais parlé de camp nudiste? Que j'aimerais bien y aller. Zinedine pose ton verre. Alors, voilà, Juliana, elle aimerait aller dans un camp nudiste. C'était original, hein, mais bon. Alors, pour quoi faire, tu disais? Pour voir quoi? Les muscles. Les muscles. Un camp nudiste. Les muscles des garçons. Et tout nu aussi, là. C'est la Juliana vie. Qui parle. Merci. Elle est prendre en photo. Les prendre en photo. Ah ouais. Alors, par contre, quand je te disais, bah, dans un camp nudiste, il faut être tout nu, toi, non. Toi, tu allais pour prendre des photos et c'est tout. Si, dans les camps là, c'est tout le monde qui est tout nu. Ah bah oui, Juliana. C'est la condition, il faut se mettre tout nu. Hein. Non, mais après, je repartirai. Hein. Comment? Après, je repartirai. Hein. Oui, mais tu rentreras même pas si t'es pas nu. Bah petit... si, elle peut passer le hall d'accueil. Si. Je pense que c'est après, si elle se promène tout habillée. Si. Ou il y aura... Ma petite neige, je lui dirais qu'elle se mette nue, comme ça elle ira. D'accord. Non, voilà, petite nièce. Et puis toi, tu ferais quoi? J'attendrai qu'elle revienne. Donc c'est ta nièce qui va prendre les photos? Oui. Ah oui. Maline. Ouais, elle a de la ressource, Juliana. Non, elle met une caméra, elle prend photo. Alors Christopher, lui, il aimerait bien y aller aussi, mais lui, c'est pour voir les seins. Alors, il y en a une, c'est les muscles, l'autre, c'est les seins. Ah, les femmes. Alors, est-ce que tu arriverais aussi à te mettre tout nu? Oui. Ah oui, Christopher, pas de soucis. Ah ouais, je me promène comme ça. Alors, est-ce que toi, tu prendrais des photos aussi? Non. Non. Ça se voirait, les flashs. Ça se voirait, ouais, quand les tu flashs. Ouais, quand tu prends une photo, c'est les flashs, là. Oui, mais en plein jour, il y a besoin de flashs. Oui. On va se prendre des petites photos comme ça. Ou des photos de groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, Régine? Tu veux y aller? Peut-être que dans un camp de nudistes, on n'a pas le droit de prendre des photos des autres. Ah oui. Corinne, et j'enverrai une petite photo à Camille. Quoi? De muscles? Ça te ferait plaisir, Camille, de recevoir une photo de muscles? Oui. Ah, oula, oui. Attends, dans les pommes. Voir des gros bras comme ça, ça te plairait? Oui. Bah, c'est joli, un homme musclé, non? Ouais, bah oui, quand même. Hein? Après, on fait d'écran, on fait d'écran. On fait d'écran. Ah si, on fait d'écran. De téléphone. Et aussi pour voir des pompiers, Corinne. Wow. Voir des pompiers dans un camp de nudistes. Oui, ça fait rien. Mais si, les pompiers, ils arrivent. Les sauveteurs. Voilà. Il y en a. Ah, oui, mais ils doivent être à moitié nus aussi, non? Ah, bah ça, j'en sais rien. Ah, Juliana, donc toi, c'est peut-être des pompiers tout nus qui te plairaient. Ouais, personne ne va tomber dans l'eau, de pas naser. Ah oui, elle va simuler un accident. Ouais, ça bouge. Ah, t'es marre, Juliana va avoir quelqu'un tout nu, elle va tomber dans les pommes. Oh, elle va dire, oh ouais, les beaux mecs. C'est une idée originale. Ah oh, bah oui. Ouais. Et toi, quoi de plus ça? Bon, alors, vous savez, il est 55. Non. Ouais. Oh là là, tes soeurs, Christophe. Tes soeurs, Mais Nicolas, il a rien dit sur ses vacances. Il a juste dit, je pars en vacances. Ah, c'est parce qu'il avait... J'aime pas quand tu es insolent, Nicolas. Oh. Voilà pourquoi je t'ai dit, bah, c'est beau, t'as fini. Je pars en vacances. Ah oui. Alors, est-ce que tu es prêt à raconter? Oui. Calmement. Je pars en vacances. Voilà. Alors, toi, tu quittes l'IME plus tôt. Comme Camille, d'ailleurs. Vous arrêtez le... Le 12. Le 12 au lieu du 18. Alors, vous nous lâchez. Ouais. Alors, vas-y, Nicolas, pourquoi tu pars plus tôt? Parce que je pars en vacances. Oui, tu pars en vacances avec... Mes parents. Voilà. Alors, est-ce que tu te rappelles où? Brédune. J'ai pas compris. Brédune. Alors, est-ce que tu peux expliquer c'est où? C'est dans le nord, en plus. C'est dans le nord. Nord. Est-ce que c'est au bord de la mer? Oui. Ah, bien. Donc, tu vas aller te baigner? Bah, oui ou non? Oh, non. Ah, non. Ah, donc, il n'y a pas la mer? Si, il y a la mer, quand même. Et puis, tu la regardes, c'est tout? Ouais. Non, c'est à la pêche, Nicolas, la pêche. Ah, tu vas à la pêche? Non, tu peux pas pêcher. Tu peux pas pêcher? Non. Tu n'as pas droit? Non, il faut pêcher loin. Oui, il faut aller avec un bateau. T'es déjà allé? Non. Ah, non? Alors, tu vas combien de temps, là, en vacances? Je sais pas. Tu sais pas. Peut-être les 6 semaines? En même temps, tu dois aller chez mamie aussi, hein. Où? Bah, c'est bien chez mamie. C'est mamie, hein. C'est pas bien d'aller en vacances chez les mamies. Si! Bah, pourtant, si. Ah ouais, tu vas te recouvrir en train de faire du bruit. Parce qu'une mamie, elle est beaucoup plus permissive, vous voyez, elle laisse faire beaucoup plus de choses. Ouais. Bah oui. En général, les petits-enfants, ils sont gâtés avec les mamies. Hein. Et du chocolat. Chocolat. T'aimes bien, toi, aller chez ta mamie? Oui. Bah oui. Et aussi du chocolat? Non. Un drone? Un drone. Un drone, mais c'est cher, un drone. On va laisser... Tu as fini, Nicolas? Ou tu as autre chose à dire? C'est dans ton parc aussi, j'avais dit, là. Ah, voilà, tu dois aller aussi au Center Park. C'est ça que tu as dit? Oui. Oui. Moi, une piscine. Ah, puis alors, dans le nord, tu pars en camping-car? Oui. C'est bien, hein? Oui. Tu es content? Oui. Ouais. Tu as un sacré programme, Nicolas. Donc, camping-car, Center Park, chez mamie. C'est bien, hein? Oui. Nicolas, il va vivre beaucoup de choses pendant ses vacances. Et toi? Il va passer des belles vacances. Mais toi aussi, j'ai... On l'espère. Qui hein? Toi? Ouais. À tous, d'ailleurs. Moi, je reste à la maison. Oh, c'est bonjour. Et toi aussi, alors... Zinedine, s'il te plaît. Alors là, comme on arrive à la fin de l'émission, on va laisser une minute à Régine pour nous dire ce qu'elle a pensé de vous à cette émission. Eh bien, c'était vraiment la première fois que j'assistais à une émission comme celle-ci. Au revoir, ton monsieur. Je trouve que c'est très intéressant. C'est bien, vous arrivez à parler, vous arrivez à dire bien les choses. Voilà, les thèmes étaient d'actualité, hein, puisque c'est des thèmes de maintenant. On a parlé du foot, de la canicule, des chenilles processionnaires et des vacances. Voilà. Ben, je vous souhaite tous de très très bonnes vacances. Avec la musique, puisque vous avez choisi des belles morceaux. Des beaux morceaux de musique, oui. Il y en avait même que je ne connaissais pas. Je connais un peu les noms, mais pas plus. Je trouve que c'est bien rythmé. Voilà. Vous allez danser maintenant? Voilà, tu fais une photo. Prends la photo. Oui, après. Eh bien, écoutez, on va souhaiter de bonnes vacances à toutes les personnes qui nous écoutent. Vacances. Fais pas trop de bêtises. De bonnes vacances aussi à Radio Gémozo. Et merci encore pour cette année passée avec vous.